Casse-toi, Fernande, t'es pas de ma bande, c'est la devise du neveu. Il est à voile et à vapeur, le ministre de la culture. Il met les voiles chez les tailles, il nous épargne aucun détail. Et quand ça lui prend ses vapeurs, il faut lui donner son 20 heures. De là il traite de dégueulasse l'ensemble de la populace. Et le dandy va dandinant, vie revoltant, c'est révoltant. Il reste en poste, ce satrape qui ne sait pas fermer sa trappe. Il se tient fort au bastingage quand le peuple lui dit dégage. Et il s'accroche au candélabre lorsque son honneur se délabre. Justice de classe, justice se casse, les Français en ont ras la tasse. Jusqu'au château ils vont monter, couper la queue du petit mité. Jusqu'au château ils vont monter, couper la queue du petit mité.